The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Ice rink. La patinoire. To take advantage. Profiter. To open again. Rouvrir. Size. La pointure. To relax. Se détendre. To slip. Glisser. To skate. Patiner. To make fun. Se moquer. To make strides. Faire des progrès. Now, a bit faster. To open again. Rouvrir. Ice rink. La patinoire. To take advantage. Profiter. To relax. Se détendre. Size. La pointure. To take advantage. Profiter. To slip. Glisser. To take advantage. Profiter. To skate. Patiner. Size. La pointure. To make strides. Faire des progrès. To relax. Se détendre. Size. La pointure. To relax. Se détendre. To skate. Patiner. Ice rink. La patinoire. To open again. Rouvrir. To relax. Se détendre. To make strides. Faire des progrès. To make fun. Se moquer. Now, use the words in context. Rouvrir. That old cinema reopened 2 months ago. Cet ancien cinéma a rouvert il y a 2 mois. La pointure. My brother has big feet. His shoe size is 46. Mon frère a de grands pieds. Sa pointure est 46. Glisser. He slipped on a banana skin. Il a glissé sur cette peau de banane. Se moquer. When I was little, my older brother always used to make fun of me. Quand j'étais petit, mon grand frère se moquait toujours de moi. Faire des progrès. I've made strides in French since I've been living in Paris. J'ai fait des progrès en français depuis que j'habite à Paris. Rouvrir. That old cinema reopened 2 months ago. Cet ancien cinéma a rouvert il y a 2 mois. La pointure. My brother has big feet. His shoe size is 46. Mon frère a de grands pieds. Sa pointure est 46. Glisser. He slipped on a banana skin. Il a glissé sur cette peau de banane. Faire des progrès. I've made strides in French since I've been living in Paris. J'ai fait des progrès en français depuis que j'habite à Paris.